Pour qu'à mettre de la caisse sur la pucette. Je mélange dans la masse à la recette. Pas le temps, je suis ailleurs dans le golf 7. Je fais mon beurre avant l'heure. La police a des preuves et des clichés. Capuché dans un coin vers le guichet. Moi j'ai rien, je fais ma part, c'est obligé. Je leur fais peur, j'ai une fouleur. Je suis traqué par la BAC et la BAC. Dans le four, ça fait partir la plaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Quand t'es twerk, ça fait tac, tic attaque, tic attaque. Bébé, si t'as, je la rends loca. Elle s'est même tirée au toka. Elle m'attend après le showcase. Bientôt, je l'emmène à Mallorca. La paix fera de Erling Haaland. Je vais t'apprendre à tenir ta langue. Ouais. Chez nous, on n'aime pas les balances. Finis dans un coffre dans les calanques. Vécu de vatos comme Paco et Miklo. La vie de rêve, la ville à l'hélico. Je crois qu'on veut tous le monde chico. Asics au pied, maillot de l'Atlético. J'suis dead, j'encaisse le bénéfice plus que la veille. Les succès attirent les filles comme des abeilles. Première nuit, premier vice, dernière appel. J'suis dead, j'encaisse le bénéfice plus que la veille. Les succès attirent les filles comme des abeilles. Première nuit, premier vice, dernier appel. Dehors y'a l'enfer qui nous tente. La monnaie fait tourner les têtes. Si j'ai plus d'argent j'mets les gants. Pas venir ramasser les miettes. La misère a quelque chose de magique. Ici j'ai appris à nager. J'recompte l'alias de 50. Pas là donc maman s'inquiète. Masque et nerveux, drapeau noir. Je vais foutre le bordel dans leur soirée. Je leur fais du mal sans vouloir. Je vais reprendre ma place pendant foirée. Je suis un leader, je vais un leader dans la ragba. J'ai envie d'elle quand je rapta, je rate pas. On reste fidèle à la Honda. On reste fidèle à la Honda. Je suis traqué par la BAC et la BAC. Dans le four, ça fait partir la plaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Quand t'es twerk, ça fait tac, tic attaque, tic attaque. Bébé, si t'as, je la rends loca. Elle s'est même tirée au toka. Elle m'attend après le showcase. Bientôt, je l'emmène à Mallorca. Je regarderai plus en arrière. Nique ceux qui me font des manières. Nique ceux qui mettent des barrières. J'ai plus le temps. Je voulais pas vieillir dans le malheur. Je voulais juste grossir mon salaire. Je voulais plus leur dire à ta l'heure. Tout en Kenzo, je chante des Ken, ah ouais. Dans le vaisseau, je me déchaîne, ah ouais. Sur les réseaux, beaucoup de chaînes, ah ouais. Tout en Kenzo, je chante des Ken, ah ouais. Dans le vaisseau, je me déchaîne, ah ouais. Sur les réseaux, beaucoup de chaînes, ah ouais. Dehors, y'a l'enfer qui nous tente. La monnaie fait tourner les têtes. Si j'ai plus d'argent, je mets les gants. Parvenu à ramasser les miettes. La misère a quelque chose de magique. Ici j'ai appris à nager. Je recompte l'alias de 50. Voilà donc maman s'inquiète. Or y'a l'enfer qui nous tente. La monnaie fait tourner les têtes. Si j'ai plus d'argent je mets les gants. Parvenu à ramasser les miettes. La misère a quelque chose de magique. Ici j'ai appris à nager. Je recompte l'alias de 50. Je suis pas là donc maman s'inquiète. AI on the beat.